place de mes trêves. Un portrait dans mes rêves. Toi la seule qui m'enivre. Je te couronne reine de mes rêves. J'aimerais le dire par des mots doux, l'éprouver par mes atouts sans retour. Et je suis enfant de cet amour en toi. Rien qu'un espoir en qui j'oublie mon tout. On est venu de très loin et voilà maintenant qu'on est grand. Voilà que je t'offre en revanche mon cœur s'il te plaît reprends. Je serai doux comme un agneau, je te ferai passer nano. Sinon je t'ai promis, seulement si tu l'admets bébé. Donnez-moi cette envie, ce goût d'exister. Je me battrai pour ça. Adou, adou, adou. Adou. Dans les reflets de ton regard loge notre avenir. Dans les empreintes de ton sourire nagent nos plus beaux souvenirs. De ces 100 baisers sans désir, notre amour va se nourrir. De ces 100 voyages au creux du plaisir, notre passion va s'enrichir. Je suis à toi, viens à moi. Je t'aime encore plus fort que toi. Je t'aime sans tort plus fort que tout. Je t'aime encore plus fort que moi. Je créerai des mots sous la chandelle de ton nom. Je louerai mon être dans ces flammes. Que tu l'écoutes et que ton dame le tom-tam. Dis-moi je t'aime. Donnez-moi cette envie, ce goût d'exister. Je me battrai pour ça. Adou, adou, adou. Adou, wait for you. Adou, adou, adou. Écoute, que je t'appelle fleur de lys, une givencelle pleine de délices sous la liesse à trois pétales, croix de lys. Elle est la source vive d'amour naturel, une flamme virtuelle, elle dans mes rêves, elle est réelle. Sous le vent de la Saint-Valentin, en rouge et noir, pur coton ou satin. Je lui chanterai l'hymne de l'amour, que la caresserai l'enthousiasme jusqu'au petit matin. Dans un bocal de fantasmes, j'apprivoiserai notre butin qui loge dans les ismes au fond de son jardin. Donnez-moi cette envie, ce goût d'exister. Je me battrai pour ça. Adou, adou, adou. Adou, wait for you. L'amour existe encore, mon cœur résiste encore et me rapporte le son de toi. Ce texte est comme un SMS love que je te traduis, un SOS love. Un SOS love. Ce texte est comme un SMS love que je te traduis, un SOS love. Un SOS love. C'était comme un SMS love que je te traduis un SOS love. Futuring Landry DJ Daddy Jackson Bezos.